Et 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ces 2 heures hebdomadaires de déconch, comme disait notre ami Fred, et de décalaminage des esgourdes. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, des nouveautés qui seront au nombre de 4. Des nouveautés qui seront dans des registres complètement différents. Bah, comme j'essaie de le faire toutes les semaines, un petit survol donc de tous les genres et sous-genres donc qui composent notre style musical préféré, bien sûr. Et puis, bah, ce 24 septembre, je voudrais aussi en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Voilà, oui, ma maman, si tu écoutes, joyeux anniversaire. Donc, voili, voilou, qu'est-ce qui vous attend ce soir? Eh bien, on va commencer tout de suite, très métal, avec avec le single de Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, hein, qui est en solo. Avec son Resurrection Man, le dernier single, où il y a 2 titres live, dont une superbe version de Afterglow of Ragnarok, qui a été enregistrée live à Sao Paulo. Et on va laisser donc l'ami Bruce nous l'introduire. The end of the world. Actually, no. A song about what happens after the end of the world. We'll be right back. Morning, classique, grand classique de Metal Church, version là qu'on peut trouver sur leur dernier live, The Final Sermon, Live in Japan 2019, sorti en cet été en hommage donc à leur chanteur Mike Howe qui était décédé en 2021. Juste avant, c'était Bruce Dickinson avec une version live de Afterglow of Ragnarok enregistrée live à Sao Paulo qu'on peut trouver sur le single Resurrection Man. Tiens, puisqu'on parle de Bruce Dickinson, maintenant j'imagine que beaucoup d'entre vous savent que Iron Maiden sera de retour en tournée cet été. Ils seront à la Défense Arena le 19 juillet prochain pour une tournée apparemment best-of entre un best-of qui va de Iron Maiden à Fear of the Dark. Bon, bah, voilà une setlist à mon avis qui promet d'être intéressante. Eh bien maintenant, changeons complètement de style et de lieu et de temps. Si vous aimez les grands espaces blancs, le Grand Nord et les Vikings, vous allez être ravis puisqu'on va revenir à l'album de Raffengrimmer, excusez-moi pour la prononciation, puisque c'est du vieux norrois, qui s'appelle donc Niflheimsaga, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on va se passer le morceau titre, donc si vous aimez ambiance chamanique, vieux instruments, ambiance folk, eh bien vous allez être ravis. Donc, le morceau qui donne son titre à l'album, donc Niflheimsaga, Raffengrimmer. Valfrey Judapara. Oui, excusez-moi, ma connaissance du vieux norrois est quand même très limitée. C'était Skald avec son premier album, Le Chant des Vikings, qui s'était sorti en 2009 à l'instant. Plus récent, sorti en 2024. Et on a fini par l'avoir quand même, malgré les coupures. C'était Raffengrim avec le morceau Niflheims Auga, qui donne donc son titre à l'album. Eh bien, voilà, ça c'était bien, vous êtes bien sur Electric Shock, hein, en dépit des apparences, et Electric Shock c'est bien tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Alors on va se faire la première nouveauté de la soirée, alors là, attention, décrassage auditif attendu, avec du black metal, avec dans la série donc Faisons du vieux, du neuf avec du vieux, je voudrais le groupe Alorak, alors les Alorak, pardon. Les amateurs de black metal connaissent peut-être. Alors, c'est un groupe qui existe depuis le début des années 2000 et là qui vient de ressortir les premiers opus, hein, y compris leurs premières maquettes, qui sont introuvables depuis des années. Et donc maintenant, les Acteurs de l'Ombre, label bien connu donc des amateurs de musique extrême, donc a ressorti donc ces albums en super présentation dans des boîtiers format un petit peu DVD, donc assez sympa. Ça fait penser un peu à des livres qu'on pourrait mettre dans des bibliothèques. Toujours est-il qu'à la croisée des vents, la cité des vents et l'esprit des vents, donc des albums qui étaient sortis donc à la fin des années 2000, début des années 2010, viennent de ressortir donc de façon un peu moins confidentielle, on va dire. Donc, on va se faire un extrait de l'album, enfin qui était une démo à la croisée des vents, qui était sorti donc en 2008, et on va se faire le morceau qui donne son titre au nom du groupe, c'est-à-dire à Orlac. Donc, âme sensible, s'abstenir. We'll be right back. Donc, pure black metal avec la première nouveauté de la soirée, qui est en fait une réédition du premier album de Aurlac à la croisée des vents, initialement sorti en 2008. Et c'était le morceau qui donne son nom au groupe. Maintenant, on va changer de style à quelque chose de plus soft, on va dire. Et d'ailleurs, si vous savez pas quoi faire vendredi soir, il y a une excellente soirée métal au Dropkick avec le groupe Parallels Minds, Chaos Wolves et Asylum Pyre. Asylum Pyre, groupe qu'on a passé régulièrement dans Electric Shock depuis les débuts, qu'on a découvert que vraiment c'est un groupe, à mon avis, qui mériterait d'avoir même beaucoup plus de succès qu'il en a, à la croisée du métal symphonique, du power metal, enfin plein de choses très différentes et vraiment très très bien foutu, comme ce Call Me Inhuman qui était leur dernier album sorti l'année dernière, The Sun, The Fight, Part 5. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'avais eu la chance donc de pouvoir les interviewer, des gens aussi très intéressants aussi à l'image de leur texte. Donc pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de vendredi, un extrait donc du dernier album Call Me Inhuman, ce sera Virtual Guns. We'll be right back. Vraiment excellent, ça. Donc, Asylum Pie avec Virtual Guns, qui est un extrait de leur dernier album Call Me Newman, The Son, The Fight, Part 5, qui était sorti l'année dernière. Ben, si vous avez, ça vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir davantage, et ben, pour ça, il faudra aller au Dropkick vendredi soir, où donc Asylum Pie sera en concert à partir de 20h, en compagnie de groupes Chaos Rules et Parallel Minds. Continuons aussi avec un groupe vraiment à découvrir. C'est les Last Temptation, le nouvel album de Last Temptation, Earthstarter, qui est sorti donc le 13 septembre dernier. Et on va s'envoyer un morceau assez rock qui s'appelle Get On Me. Stop. Oui, je me suis planté. Enfin, la machine m'a fait un coup de pute. Elle m'a mis directement à la piste 2 et non pas la première. Enfin, j'ai fait une grosse connerie. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Du coup, j'ai passé un peu n'importe quoi. Et oui, donc, c'est les inconvénients donc, du direct. Hein. Et ouais, comme je vous le disais, donc les inconvénients du direct, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Du coup, je ne sais même plus ce que je fais. Moi, je fais n'importe quoi ce soir. Je vous promets un truc et en fait je vous mets autre chose. Non, donc du coup on repart à zéro. Je vous remets Last Temptation. Et ouais, donc je vous l'ai dit ce soir, quand ça veut merder, ça merde. Hein. Donc je vous relance le morceau à nouveau, Get On Me. Get on me, if only I could set you free, you better. I'm good. M.A.T.W., les Marseillais de M.A.T.W. avec leur EP Endless Loop, c'était Lost Between Darkness and Hope. Et finalement, vous avez fini par l'avoir, malgré le gros cafouillage de votre animateur préféré, Last Temptation, et le morceau Get On Me, extrait de Heartstarter, qui est leur dernier opus, groupe qui nous vient donc d'Alsace. Et ouais, on reste toujours en France, mais on change d'endroit puisqu'on va aller en Savoie pour la deuxième nouveauté de la soirée. Et croyez-moi, ça c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Je vous avouerai que j'ai pris une belle claque avec cette EP, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé que ce soit un album, avec un groupe qui s'appelle donc Cheyenne Shiners. Donc, ils nous viennent de Chambéry. Ils existent depuis 2019. Alors, c'est un groupe qu'on peut qualifier de hard rock bluesy groovy. Alors, avec des influences genre Aerosmith, Extreme, assez flagrantes, mais c'est pas désagréable du tout. Avec une chanteuse qui pourrait rivaliser avec Beth Hart sans problème. Et une production vraiment béton sur ce EP, donc vraiment tout est là pour plaire. Alors pour ma part, j'ai découvert ça presque par hasard en surfant sur le net. J'ai regardé ça, j'ai vu une très belle chronique qui m'a donné envie d'en découvrir un peu plus. J'ai vu un clip qui m'a bien plu. Et du coup, je me suis mangé le culot et voilà, donc j'ai contacté le groupe qui a eu donc la gentillesse donc de m'envoyer leur petit EP qui est sorti au mois de juin dernier, qui s'appelle donc, comme je disais, Let's Get Mad, et qui est vraiment, pour ma part, je le reconnais vraiment, un coup de cœur pour cette année 2024. Je m'attendais pas à un truc aussi chiadé, vraiment, voilà. Alors, je vous invite à découvrir le morceau que je vous ai choisi ce soir, c'est Kill You Till I Die. Summer 81, deep in the ice, spiritual presence, a thing of evil that roams the forest. The dark spirit is given license to possess the living. Into the woods, the trees are alive, the mysterious seeds are the fire. No matter how, no matter. les Suédois de Blue Spills avec leur excellent album Birthday. Bah, c'était le morceau d'ailleurs qui donnait son titre à l'album, mais ça s'est sorti donc cet été, juste avant deuxième nouveauté de la soirée, avec les Savoyards de Shay and Shiner, c'est Kill You Till I Die, donc extrait de leur EP sorti au mois de juin dernier, Let's Get Mad. Hein, quand je vous disais que ça trouvait le cul, hein, avouez que ça le fait quand même. Moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils nous sortent vraiment un véritable album. Donc à suivre, en attendant on va se contenter donc de ces 5 titres. Voyageons toujours en France. On va retrouver les Shérifs qui étaient à Nantes et qui ont donné un concert fabuleux, comme celui d'Orléans d'ailleurs, au mois d'avril dernier. Et on va se faire un petit extrait de Grand Bombardement Tardif, leur dernier opus studio, où il y a un morceau donc qui rend hommage à la ville d'où ils sont originaires. Et ils sont originaires d'où? On va laisser donc l'ami Olivier nous raconter ça. Là où tout a commencé, il y a très longtemps, presque 40 ans, et là où tout finira, là où je suis né. We'll be right back. que ça fait du bien de se remémorer ça. Vous aurez reconnu le classique des Ramones, Pinhead, extrait du live, Live January 7, 1978 à The Palladium, New York. Donc voilà, sorti en 2004. Ça fait toujours du bien, bon Ramones, on les oubliera jamais, c'est clair. Ben, eux aussi, ils ont été catalogués de Ramones français, c'était donc Les Shérifs avec À Montpellier, qui lui est extrait de leur dernier live, sorti cet été, près du chaos. Et voilà, la deuxième heure d'Electric Shock a commencé maintenant, en beauté, donc avec Les Shérifs et les Ramones. On va aller continuer, bah, tiens, avec des dignes représentants de la ville de New York aussi, qui ont fêté donc les 50 ans de leur premier album, l'année en 2022, avec trois concerts exclusifs où chaque soir vous interprétez donc l'intégralité de leurs trois premiers albums, l'album éponyme, c'est-à-dire Blue Oyster Cult, et oui, c'est de ces deux que je veux parler, Tyranny and Mutation et Secret Treaties. Donc là, le deuxième volet est sorti, donc avec l'intégralité donc de Tyranny and Mutation, dont on s'était passé d'ailleurs deux extraits la semaine dernière, mais sur le concert aussi figurait autre chose, d'autres morceaux, des classiques, et puis des morceaux un peu plus récents et d'autres choses un petit peu plus rares, comme par exemple ce Box in My Head, qui lui figurait sur le dernier album studio The Symbol Remains, qui était sorti en 2020, et qui nous montrait bah, que les papilles en avaient encore sous la semelle. Donc extrait de ce 50th Anniversary Live in New York Second Night, Box in My Head, la légende Blue Oyster Cult. You say you wanna know me, want me to open up. You'd like to see inside me, taste the contents of the cup. I'm gonna give you a chance to open me up and see. Step around behind me, take this cyber key. Do you see the keyhole in the back of my head? Put the key in gently, like a lover in bed. My darling, open up that little door. See the silver box there, wonder what it's got in store. There's a box in my hand and it's out. It's a box, and that box has another box within. There's a box in my skull. Box, skull is a box, and there's room for us both to go in. Within there's a box in my skull. Box, skull in the box, and there's room for us both to go in. Reach into the cabinet. The people call us go. Is the glass half empty? Is the skull half full? Watch out for the mousetrap. Careful of the hooks. Pull the box out carefully. Hold your breath and look. Is it a disappointment to find another box? Don't you give up easily, you'll have to pick the lock. Open up beneath Mars, you'll find missing peace. There you'll find me, when you reach eternity. Cause there's a box in my hand and it's out. It's a box, and that box has another box with it. Go in. For You, classique de Blue Oyster Cult, et juste avant Box in My Head, donc tous deux extraits du pack CD-DVD 50th Anniversary Live in New York, Second Night. On attend donc le troisième volet, bah peut-être d'ici la fin de l'année, donc à suivre. Et bah, ce qui va suivre maintenant, c'est la troisième nouveauté de la soirée. Alors là, c'est du lourd, croyez-moi, c'est, je dois avouer que j'ai pris une belle claque avec le premier album d'un groupe qui s'appelle Category 7. Alors, rien qu'avec un nom comme ça, on se dit, oulala, ça va pulser, parce que bon, la catégorie 7, c'est comme ça qu'on appelle les ouragans les plus forts, donc effectivement... Ça va pulser, surtout quand on sait qui compose ce groupe. Alors c'est ce qu'on appelle Category 7, un super groupe. C'est vrai que quelque part souvent qu'on se dit oh, il y a un line-up formidable et puis le résultat est souvent un petit peu, je viens pas à dire décevant, mais souvent on reste un peu sur sa faim. Et là croyez-moi, ce n'est vraiment pas le cas. Alors le line-up c'est John Bush, chanteur d'Armored Saint et anciennement d'Anthrax, au chant. On y trouve Kerry King, non, pas Kerry, qu'est-ce que je raconte comme connerie, c'est Phil Demmel. Phil Demmel qui est actuellement donc le deuxième guitariste de Kerry King et qu'on a vu dans Machine Head et dans Violence. L'autre guitariste, c'est Mike Orlando, d'ailleurs c'est lui qui produit l'album qui faisait partie de Adrenaline Mob, un des nombreux side projects de Mike Portnoy. On y trouve à la base Jack Gibson d'Exodus et on y trouve Jason Bittner, le batteur d'Overkill. Alors quand il y a des gens comme ça, on se dit que oui, c'est clair que ça va pas être de la bluette pour enfants, ça va être du puissant et du méchant, et c'est clair qu'on l'est. Heavy metal trashisant ou trash à la limite du heavy, enfin toujours est-il que cet album éponyme qui est sorti la fin juillet là que je viens de me procurer, c'est pareil, c'est un des coups de cœur aussi là depuis à peine une semaine que je l'écoute vraiment en boucle et vraiment c'est une tuerie. John Bush, je crois qu'il n'a jamais chanté aussi heavy et il montre qu'à 60 ballets passés, ben il leur montrait vraiment des petits jeunes qui ont la moitié de leur âge. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir la même rage et la même tessiture. On va le découvrir tout de suite avec In Stitches, qui est d'ailleurs le morceau qui ouvre l'album. Bah, c'était Testament avec Preacher, un grand classique qui fait toujours partie de leur set live. Et ça, c'était extrait donc de The New World Order. Et Testament qui sera en concert en fin novembre, en première partie de cette double affiche qui est Anthrax Creator. Ouh, putain, j'ai hâte d'y être. Juste avant Testament, c'était une grosse découverte catégorie 7. Le super groupe, donc, composé du chanteur d'Amored Saint John Bush, le guitariste Phil Demmel de Machine Head, avec Mike Orlando, l'autre guitariste qui vient de Adrenaline Mob, Jeff Gibson d'Exodus à la basse et Jason Bittner de Overkill. Ça nous donne catégorie 7 et vous avez pu voir, ça pulse vraiment et c'est du tout tout bon et c'est vraiment un des coups de cœur pour l'instant. Et c'était donc Unstitches que vous avez eu là ce soir. On va continuer avec du Made in France, avec l'excellent premier album de ce groupe de rock, enfin de qu'on peut qualifier de tout, qui s'appelle Eclipse. Rien à voir avec le groupe de hard FM suédois. Et on va se faire un petit extrait de Anaglyph, le premier album vraiment très intéressant. Et on va se faire Eclipsis, qui est donc le morceau de l'album ce soir. Les Nantais de Watertank et leur dernier album, Liminal Status, c'était Sneeze Season, juste avant, bon ben, on est habitué ces dernières semaines. Le groupe Eclipse, à ne pas confondre avec le groupe de Hard FM suédois, c'était Eclipsis, extrait donc de Anaglyph, qui est leur premier album. Continuons pur heavy metal avec une légende, cette qu'on a appelée la New Wave of British Heavy Metal, groupe qui n'a pas eu la même carrière que Iron Maiden, Def Leppard ou Saxon, mais qui est toujours là et qui nous prouve qu'ils sont bien vivants avec ce nouveau live, Live Blood. Et on va pouvoir le voir tout de suite avec un morceau extrait donc du dernier album qui s'appelait Bloodlines. Vous allez pouvoir juger que A New Heartbeat, eh ben, il ne départ pas avec les classiques du groupe. Yeah. Well, thank you. Thank you for being so wonderful tonight. Thank you so much. You are fantastic! Say it! Yeah! Say it! Yeah! Alright! I think it's time to play that song, Mr. Weird. Wanted to see them. Susie Smile, un grand classique de Tigers of Pantang qui figurait sur le premier album Wildcat en 80 et juste avant A New Orbit, c'est ça, c'est donc deux extraits du dernier live, Lifeblood, qui est donc sorti au printemps dernier. Eh bien, on va se faire donc la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe, on va dire, revenu d'entre les morts, c'est Skid Row. Skid Row, bon, je vais pas vous faire toute leur carrière, on sait que depuis ces dernières années, ils végétaient véritablement. Il y a 2 ans, ils ont eu un sursaut, il faut dire que là, ils avaient trouvé un super chanteur avec Eric Grunwald, l'ancien chanteur de Heat, qui donc a fait un album somptueux qui s'appelle The Gang's All Here, où là, on retrouvait vraiment l'esprit du Skid Row, de Slave to the Grind et de l'album éponyme. Malheureusement, l'ami Eric, il a des gros problèmes de santé, il le s'est mis entre autres, hein, c'est quand même pas très joyeux, et du coup, il a quitté le groupe, du coup, on sait pas trop qui va reprendre la suite. On sait que Lizzie L, la pétillante chanteuse de Hellstorm, a fait quelques concerts vraiment fabuleux, mais bon, c'est pareil, elle est très occupée avec son groupe, donc je pense pas qu'elle puisse mener 2 groupes de front. Enfin, en attendant, donc, Skid Row nous a sorti donc son premier live, enregistré en 2022, donc avec Eric Grunwald, donc pendant la période de The Gang's All Here, qui est malheureusement assez peu représenté sur ce live. C'est vrai que le groupe a plutôt misé sur son glorieux passé, sur les 2 albums, Slave to the Grind, et l'album éponyme qui était sorti fin 80, tout ça, c'était début années 90. Enfin, toujours est-il que ce live nous montre que le groupe a toujours une patate d'enfer et que c'est Eric Grunwald, je pense que il égale carrément Sébastien Bach. On va pouvoir juger tout de suite avec ce Slave to the Grind de Tony Truant, qui ouvrait donc le concert. We'll be right back. Freight et Slave to the Grind, donc deux extraits du CD-DVD de Skid Row. Voilà, c'était la troisième et la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Vous pouvez voir donc que le nouveau chanteur, bah, il assure aussi bien que le Sebastian Bach. Bon, à suivre pour Skid Row et tout. Bon rétablissement au chanteur qui, espérons, reprenne carrière après. Voilà. Bon, on a encore un peu de temps pour se faire un petit dernier morceau. On va se terminer avec... On va faire un tour du côté des Mongols de The Who et de leur live à Glastonbury. Et on va terminer avec une reprise de Metallica, donc repris à leur sauce. On va se faire Through the Never. Et après, on va se dire au revoir. We'll be right back. Intéressante, hein, cette reprise de Metallica, reprise donc par les Mongols de The Who sur leur live at Glastonbury. Et voilà, donc c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore d'avoir été à l'écoute de ce rendez-vous du métal. Et restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel puisque la musique continue. Electro Live va commencer pour une fois avec deux minutes d'avance. Après tout, je bouffe toujours deux, trois minutes. Donc pour une fois, c'est avec grand plaisir que je laisse le créneau avec un tout petit peu d'avance. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Donc, qu'as-tu à proposer ce soir? Une session Funky House, puisqu'on me l'a demandé. Donc, je n'avais pas joué depuis un petit moment. Donc voilà, je vais commencer par deux titres inédits. Je finirai aussi par un inédit. Des trucs jamais diffusés. Nulle part. Parce qu'ils sont de moi. Donc attention, exclusivité ce soir. Un remix de DAO et deux titres purement de moi. Voilà. Voilà, donc, amis Nightclubbers, vous savez ce qu'il vous reste. Electro Live, c'est tout de suite, maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel. La musique continue. Ciao.